Je marche seul contre le vent, je suis un enfant. Il disait je joue, mais la victoire n'est rien du tout pour d'un fou. Il était descendu le mal de cœur cigale. C'était un homme qui faisait de vie des femmes. lòng anh tôi luôn.